Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 104. De l'obéissance. Obligation imposée par la vertu de l'obéissance. Excellence de l'obéissance. De l'obéissance à Dieu. De l'obéissance au supérieur. De l'obéissance à la puissance temporelle. 1. L'homme doit-il obéir à l'homme? L'apôtre nous dit, obéissez à vos chefs et soyez leur soumis. Hébreux 13, 17. De même que, dans l'ordre naturel, les êtres inférieurs suivent l'impulsion des êtres supérieurs qui les meuvent par une force reçue d'en haut, de même, dans l'ordre social, d'après le droit naturel et divin. Les inférieurs doivent obéir à leurs supérieurs, à cause de l'autorité dont ceux-ci sont investis. Note. La volonté de Dieu est la première règle de toute volonté douée de raison. Or, selon l'ordre divinement établi, les volontés humaines approchent plus ou moins de la volonté divine. Voilà pourquoi la volonté de l'homme à qui le commandement est dévolu, peut devenir la seconde règle de la volonté de celui qui doit obéir. Fin de la note. 2. L'obéissance est-elle une vertu spéciale? Obéir à son supérieur, selon l'ordre établi par Dieu, est une action qui a un mérite particulier. Par conséquent, l'obéissance forme une vertu spéciale. Son objet propre est le commandement tacite ou express, car la volonté du supérieur, pour peu qu'on en ait connaissance, est une sorte de commandement tacite, et l'obéissance est d'autant plus parfaite qu'elle met plus de promptitude à prévenir l'ordre formel. 3. L'obéissance est-elle la plus grande des vertus? Non. Elle est inférieure aux vertus théologales, mais elle vient immédiatement après, et prend rang avant toutes les autres vertus morales. Quelle est, en effet, la plus excellente des vertus morales, sinon celle qui méprise les plus grands biens pour Dieu? Or l'obéissance méprise par attachement à Dieu, non seulement les biens extérieurs et les biens du corps, mais encore le premier de tous les biens de l'âme, la volonté propre, par laquelle nous faisons usage des autres biens. Elle mérite donc la prééminence sur les autres vertus, qui n'offrent à Dieu que des biens moins précieux. Saint Grégoire concluait de là avec raison qu'elle vaut mieux que les victimes. Dans les victimes, dit-il, on sacrifie une chair étrangère, dans l'obéissance, on immole sa propre volonté. 4. Faut-il obéir à Dieu dans toutes choses? Les Israélites répondirent, tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons, et nous lui obéirons dans toutes choses. Exode 24, 7. Dieu est la première cause motrice de toutes les volontés comme de tous les êtres de la nature. De même que tous les êtres physiques sont soumis à son impulsion par la nécessité naturelle, ainsi toute volonté doit obéir à ses commandements par la nécessité de justice. Note. Dieu ne pouvant rien commander de contraire à la vertu, la rectitude de la volonté humaine consiste principalement dans la conformité à sa volonté et dans l'obéissance à ses préceptes. Alors même que les ordres qu'il donne seraient contraires à la règle ordinaire des actions humaines. C'est sur ce fondement que s'établit Abraham, s'apprêtant à immoler son fils, les Israélites, emportant les vases et les habits des Égyptiens, Osée, épousant une femme de mauvaise vie. Tous savaient que Dieu est l'auteur de la vie et de la mort, le maître de tous les biens, et le suprême ordonnateur de la génération humaine. On nous objectera peut-être ce que nous avons enseigné ailleurs, à savoir, que l'homme n'est pas obligé de conformer en toute chose sa volonté à celle de Dieu. Il est aisé de répondre que si l'homme n'est pas toujours tenu de vouloir en particulier ce que Dieu veut, il n'en doit pas moins vouloir toujours ce que Dieu veut qu'il veuille. Or cette dernière volonté, Dieu nous la notifie par ses commandements. Fin de la note. 5. Les inférieurs doivent-ils obéir en tout à leurs supérieurs? Il est écrit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5, 29. Deux causes dispensent un inférieur d'obéir à son supérieur. D'abord, le commandement d'un pouvoir plus élevé. Le préfet donne-t-il un ordre opposé à celui de l'empereur? On doit, dit saint Augustin, négliger l'ordre du préfet pour obéir à l'empereur. L'empereur et Dieu donnent-ils des ordres contradictoires? On doit obéir à Dieu plutôt qu'à l'empereur. En second lieu, l'affranchissement de la soumission dans ce qui est commandé. S'agit-il des actes intérieurs de la volonté? L'obéissance n'est due qu'à Dieu. Le corps est soumis au maître, a dit Sénèque, mais l'âme conserve le domaine d'elle-même. Pour ce qui se fait extérieurement par le corps, l'inférieur est tenu d'obéir à ses supérieurs dans la sphère de leur autorité, le soldat doit l'obéissance à son général dans le service militaire. Le serviteur à son maître dans les œuvres serviles, le fils à son père dans la conduite de la vie et les travaux domestiques, et ainsi des autres inférieurs. Remarquons, toutefois, que l'obéissance n'est pas due dans les choses qui tiennent essentiellement à la nature même de notre corps. Les serviteurs, les serfs, les esclaves, les enfants ne sont pas tenus, sur l'injonction de leur maître ou de leurs parents, de contracter mariage, de faire vœu de virginité, ou de prendre d'autres engagements pareils. Note. Saint Paul n'enseignait pas une autre doctrine quand il disait, « Enfants, soyez soumis en tout à vos parents. » Colossiens 3:20. « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres. » Ibidem 22. Par le vœu d'obéissance, les religieux s'obligent à suivre les statuts d'un ordre et se soumettent à leur supérieur dans le domaine de la règle. Cette soumission suffit au salut. S'ils obéissent volontiers dans d'autres points, c'est un acte de perfection. Fin de la note. 6. Les chrétiens sont-ils tenus d'obéir aux puissances temporelles? Avertissez-les. Écrivait saint Paul à Tite, 3, d'être soumis aux princes et aux magistrats. Saint Pierre disait pareillement, soyez soumis par amour pour Dieu à toutes sortes de personnes, aux rois et aux gouverneurs envoyés par le roi. 1 Pierre 2, 13. La foi en Jésus-Christ ne détruit pas la justice, elle l'affermit. Or l'ordre de la justice veut que les inférieurs obéissent à leurs supérieurs, sans quoi la société serait impossible. Il en faut conclure que la foi catholique n'affranchit pas les chrétiens de l'obéissance qu'ils doivent aux puissances temporelles. Note. Nous devons l'obéissance aux princes de la terre dans l'ordre et les limites de la justice. Lorsqu'ils jouissent d'un pouvoir usurpé ou qu'ils commandent des choses injustes, on n'est pas tenu de leur obéir, si ce n'est pour des motifs accidentels, afin d'éviter un scandale ou un danger. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.